Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal sur Isanganiro. Nous sommes le 26 août 2016. En voici la charpente. Criminalité à Rumonge, une personne a été tuée la nuit dernière sur le lieu de son travail, sur la colline d'Onzi, en commune Burambi. Reportage dès le début de ce journal avec notre correspondant. L'association Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités par SEM estime que la corruption gangrène toujours le pays malgré la politique de tolérance zéro initiée par le gouvernement. Et des associations de défense des droits humains réclament la libération d'une dizaine d'enfants de la rue détenus depuis plus de deux semaines au cachot de la police judiciaire d'Ongozi. Et d'après un psychiatre, si une personne en arrive à se donner la mort comme le jeune qui s'est dernièrement suicidé en pleine journée au centre-ville de Bujumbura, c'est que ses mécanismes de défense du moi sont complètement dépassés. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour, un certain Dosawa Mahoro Odas, alias Makado, a été tué, fusillé la nuit de ce jeudi à vendredi. Ses bourreaux, qui n'ont pas été identifiés, l'ont assassiné devant la boutique où il travaillait à Donzi, en commune Burambi de la province Rumonge. Un suspect a été arrêté ce vendredi matin pour interrogatoire. Correspondance de Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge. Selon des informations recueillies auprès des habitants de Donzi et confirmées par le chef colonel de Marandia, Dosawa Mahoro Odas, alias Makado, a été tué, fusillé, couché par terre vers 20h, passé de quelques minutes de ce jeudi. Balthazar Niungeko, chef colonel de Marandia, indique que le défunt qui venait de dîner avec son ami à quelques mètres n'a pas eu le temps d'ouvrir la boutique où il travaillait pour un particulier. Des bourreaux ont échangé plusieurs coups de feu avec la position militaire de la place avant de se volatiliser dans la nature. C'est après l'arrivée des militaires sur le lieu du crime que les habitants de Donzi qui s'étaient enfermés dans leur maison sont sortis et ont conduit le corps de Dosawa Mahoro à la morgue du centre de santé de la place. Après une fouille qui n'a rien donné de compromettant ce vendredi matin, Léokugayo Evariste alias Gisazi, un pensionné de l'armée burundaise, a été arrêté par la police de Burambi pour être interrogé. Au P5-1, Donatien Manirakiza, commissaire provincial de police à Rumonge, dit que Léokugayo Evariste est poursuivi pour avoir averti le défunt qu'il s'expose au pire s'il ne cesse pas de collaborer avec les Imbonerakure. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Et les associations de défense des droits humains demandent la libération de 10 enfants de la rue détenus depuis plus de deux semaines au cachot de la police judiciaire d'Ongozi. Ils ont été arrêtés par la police en vue de les acheminer vers leur famille d'origine, ce qui n'a pas encore été fait jusqu'ici. Ces enfants sont pour le moment menacés par la faim et des maladies parce qu'ils n'ont pas d'assistance. Apollinaire Muzagara. Au départ, au nombre de 62, ces enfants de la rue avaient été arrêtés par la police pour les ramener dans leur famille. Ils ont été dès lors mis au cachot de la police judiciaire au chef-lieu de la province Ngol. Deux semaines après leur arrestation, une dizaine reste dans son cachot. L'association de défense des droits humains, et particulièrement celle des droits de l'enfant, demande leur libération immédiate, car ces mineurs meurent de faim et de maladies actuelles. Personne ne leur vient en aide, ni pour leur donner de quoi mettre sous la dent, ni pour les soins, déplore ces associations. Un d'eux, menacé par des maladies de la peau, a été libéré par un OPJ ayant pitié de lui. Ce jeu, les associations de défense des droits humains craignent que ces mineurs de moins de 13 ans pourraient même adopter des comportements inadéquats, car ils viennent de passer beaucoup de jours à côté des détenus adultes. Ce qui étonne ces associations de défense des droits humains, c'est que bon nombre de ces 10 enfants restant au cachot sont originaires des communes Ngozi, Ngumba et Tangara, proches du lieu de détention. Elles parlent donc de la négligence de certains administrateurs communes. Garder ces enfants chez eux n'est pas chose facile selon certaines autorités administratives. Pour preuve, il y en a qui sont déjà retournés dans la rue Ngozi parmi ceux arrêtés il y a deux semaines alors qu'ils avaient regagné leur famille. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Et à Karuzi, l'on nous rapporte que 6 personnes accusées d'exploitation illicite de l'or dans la commune de Chombo sont incarcérées au cachot de la police dans cette province de Karuzi depuis vendredi passé. Les familles de ces personnes demandent que les leurs soient libérés, expliquant qu'il y a leurs patrons qui leur ont confié ces activités. L'administration communale, elle, affirme ne pas être au courant de cette exploitation. Blaise Pascal Kararoumié. Les six personnes sont des jeunes hommes d'âge compris entre 20 et 30 ans et sont au cachot de police du commissariat de Karoutchi depuis vendredi passé. Deux sont originaires de la province de Chibitoke, deux autres originaires de la province de Bubanza, un est originaire de Muyinga et un autre étant de Gitega. Le commissaire provincial de la police affirme que ces hommes ont été arrêtés à Chombo pour l'exploitation illicite du minerai d'or dans cette commune. Au moment où leur famille disait que les leurs n'étaient que de simples travailleurs au compte de leur patron, le commissaire provincial explique qu'ils ont été appréhendés comme exécutants sur place. Il signale que dès leur arrestation il y a une semaine, c'est là qu'ils appellent leur patron, n'ont cessé de promettre qu'ils vont amener les papiers justificatifs de cette exploitation de l'or dans cette commune. Le président du conseil communal de Chombo, honorable Pierre Nizigimana, indique que l'administration de la commune n'était pas au courant de l'exploitation de l'or dans cette commune. Cependant, plusieurs personnes indiquent que de l'or était exploité dans cette commune il y a une longue période, allant jusqu'à même à une année, et cela est même confirmé par certains des responsables de la commune. Depuis Karoutchi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Il est 13h04 à Bujumbura et sur Isanganiro. Aucune fille ou femme n'a été arrêtée par la police dans la ville de Bujumbura, accusée de porter des habits courts ou qui collent à la peau. C'est un démenti du porte-parole de la police au cours d'une conférence de presse jeudi. C'était à l'ENAPO, l'école nationale de police. Il ajoute en outre qu'aucune loi réprimant cette infraction n'est pas encore promulguée, mais, nuance-t-il, une personne portant des habits indécents peut être accusée d'attentat à la pudeur. Suivez Pierre Mouriki. Nous voudrions alors profiter de l'occasion pour démentir les rumeurs selon lesquelles la police serait en train d'arrêter ces derniers jours des filles ou des femmes qui portent des mini-jupes ou des habits appelés communément collants. Et il n'en est rien, il s'agit de simples rumeurs qui sont propagées par des gens qui n'aiment pas la tranquillité de la population et qui malheureusement ont fait que certaines filles ou femmes n'ont pas fréquenté ces derniers jours le centre-ville sous peur d'être arrêtés par la police. Et je dois vous dire qu'il s'agit des rumeurs. La police n'a jamais procédé à une seule arrestation qui va dans ce sens parce qu'il n'y a pas une loi qui est déjà promulguée et qui autorise la police à opérer d'autres actions. Isanganiro, la radio de l'avenir. Dans la suite de ce journal, l'Office national du tourisme reconnaît que l'affluence des touristes vers les hôtels de Bujumbura a été réduite, mais il fait savoir qu'à l'intérieur du pays, le taux de fréquentation est satisfaisant. Le directeur général de l'Office réagit aux lamentations des responsables d'hôtels de Bujumbura sur justement la non-affluence des touristes vers leurs maisons suite à la situation actuelle du pays. Leonidas Awonimana estime que tout est dû au fait que certaines personnes ne donnent pas l'image qu'il faut pour le Burundi. Il appelle donc tout un chacun à vanter l'image du pays afin que Bujumbura soit fréquenté comme avant. Suivez. L'affluence en 2016, il a été réduit. Cependant, nous devons dissocier le tourisme local du tourisme international. En ce qui concerne le tourisme local, les hôtels de Ngozi, les hôtels de Gitega, les hôtels de Muyinga ne connaissent pas les problèmes que connaissent les hôtels de Bujumbura, puisque les hôtels de l'intérieur continuent à avoir un taux d'occupation satisfaisant. Les hôtels de Bujumbura, le taux d'occupation a été beaucoup réduit. Cela est arrivé parce que moi, vous, tout un chacun, nous n'avons pas fait ce que il fallait faire. L'image que nous envoyons à l'extérieur du pays, si elle est bonne, les gens répondent à l'image positive que nous avons envoyée. Ils visitent notre pays. Quand nous envoyons une image défavorable au pays, la destination devient moins fréquentée. Raison pour laquelle j'en appelle à tout un chacun de réaliser cela et d'envoyer une image d'un pays fréquentable. Si nous sommes conscients, si nous sommes sensibilisés qu'en envoyant des messages positifs sur le pays, nous allons récolter le fruit de ces messages que nous envoyons à partir de ce moment précis, les choses vont changer. Et donc, vous espérez que les hôtels de Bujumbura seront encore une fois fréquentés comme avant? Cela dépend de votre action, de mon action, de l'action de tout un chacun. C'était Léonidas Abonimana, c'est le directeur général de l'Office national du tourisme au micro de Léonce Vitalio. Parlons maintenant de cette analyse d'un psychiatre à propos de quelqu'un qui peut se donner la mort. Si quelqu'un arrive à un acte suicidaire, c'est que ses mécanismes de défense du moi sont complètement dépassés. Cette analyse est faite par Dr Sakubu Silver. Il est psychiatre et il le dit après qu'un jeune homme de 27 ans s'est suicidé avec une rame de rasoir, arguant qu'il y a un policier qui le malmenait. Evrard Havzariman. Alors que quelqu'un alors arrive justement à sauter la vie, c'était vraiment un acte hors contrôle, c'est un acting out qui échappe. Le seul qui peut donner une explication, c'est la seule personne dépositaire à qui cela est arrivé. Mais je dirais que vraiment un tel acte, ça relève beaucoup plus de la psychopathologie. Et si nous prenons un exemple concret d'un jeune homme de 27 ans qui s'est suicidé ce mercredi, arguant qu'il y a des policiers qui le malmènent, est-ce qu'il n'y a pas réellement une explication psychologique? Et bien sûr, étant donné que c'est un jeune homme, je dirais à nous-mêmes, nous avons nos façons de faire face à des conflits, à tout acte qui génère une certaine anxiété en nous-mêmes. Mais la façon dont notre cerveau gère des actes de la vie quotidienne relève des forces intrinsèques. Si quelqu'un justement arrive juste poser un acte pareil, c'est que ses mécanismes de défense du moi sont complètement dépassés. Partant même de ce jeune homme de 27 ans qui vient de se suicider, il y a des conséquences sur la société. Certainement ont une influence directe sur notre fonctionnement cérébral. Ceux qui ont vu cet acte se passer, ceux qui ont entendu un acte pareil, ça laisse interrogatif. Ça pose des questionnements en disant comment est-ce qu'on est arrivé jusqu'à ce niveau-là. Alors, ça nous influence même notre fonctionnement, notre mental, notre façon de penser, notre façon de sentir et même notre façon de nous comporter. Certainement des influences sur notre personnalité. C'était Dr Sakubu Silver, au micro d'Evrard Havzariman. Et dans la suite de ce journal, il s'observe une diminution des files d'attente des véhicules qui se manifestaient ces derniers jours devant les stations-service. Et sur 15 stations se trouvant au nord de la capitale Bujumbura, que notre reporter a visité, 7 sont en train de distribuer du carburant, au moment où les autres affirment que, dès cet après-midi, ils vont servir leurs clients. Entre-temps, on a remarqué qu'il y a un manque considérable du carburant de type mazout, presque sur toutes ces stations. Conséquence, certains passagers qui vont vers les quartiers du nord de la capitale Bujumbura, notamment Gasenyi, Gihosha et Mutanganor, se plaignent pourtant du manque de carburant qui entraîne un manque de bus de transport vers le soir. Ils font savoir qu'ils sont obligés de payer plus qu'ils n'ont prévu pour arriver à la maison, ce qui se répercute sur les heures de travail le lendemain. Les chauffeurs de bus et les passagers demandent que le carburant soit distribué comme à la normale. Mireille Kanyang. Celui-ci, nous l'avons rencontré ce jeudi soir à 19h20 au parking des bus menant vers les quartiers du nord de la capitale burundaise, dont Gasenyi, Mutanga, Nord et Gihosha. Les passagers disent attendre les bus trop longtemps. Ils parlent d'une situation intenable lorsqu'on a quitté son travail vers 17h. C'est une situation compliquée vu le manque de bus qui s'observe au niveau des parkings. Alors, on a des effets négatifs vers les domiciles. Lorsqu'on doit quitter le bureau à 17h30, et on vient au niveau du parking et on manque le bus, tu attends 2 heures de temps de plus. Et tu arrives même à 19h, voire 21h. C'est tout à fait un peu gênant pour tous les passagers qui sont toujours là. Il y a des mamans qui doivent arrêter les enfants. Tout ça, c'est un problème qui s'observe, qui a des effets négatifs au niveau du transport. À l'instant, nous avons parlé avec un chauffeur qui, d'habitude, va vers Buterere. Cette fois-ci, il se trouvait du côté de ces bus qui font les navettes entre le centre-ville et Gasenyi. L'explication sur ce phénomène est qu'il y a un manque de carburant. Beaucoup ont déjà arrêté à travailler et voilà pourquoi les gens manquent les bus. Plusieurs bus consomment le carburant de type mazout. Faites de manquer le carburant pose un problème du côté des passagers. Nous demandons qu'il y ait du carburant afin de faciliter la tâche. Dans le but d'avoir davantage d'explications sur ces files d'attente des passagers, nous nous sommes rendus au même parking le matin de ce vendredi. Les bus étaient nombreux. Ce chauffeur explique la situation par de petites quantités de mazout qu'ils reçoivent, ce qui ne leur permet pas de travailler toute la journée. Que ce soit du côté des passagers ou des chauffeurs, ils demandent tous que le carburant soit servi à la normale pour qu'ils continuent à vaquer à leurs activités. Merci Mireille. Parlons maintenant de la situation de la corruption au pays. Le chemin est encore long en ce qui concerne la lutte contre la corruption. C'est ce qui a été dit dans une conférence de presse que l'association Parsem a tenue ce mercredi à l'occasion du 6e anniversaire de la déclaration de la tolérance zéro contre la corruption. Roubé Ringabo, Gildas. À l'occasion du 6e anniversaire de la déclaration de la tolérance zéro contre la corruption, l'association Parsem estime que le gouvernement ne s'implique pas dans cette lutte contre la corruption. Quand le chef de l'État avait déclaré la tolérance zéro aux actes de corruption et de malveillance économique, c'était une déclaration louable qui inaugurait une dynamique de vouloir incarner un changement au niveau de la lutte contre la corruption. Mais malheureusement, nous constatons que cette lutte continue à avancer à pas de tortue. Après la retraite gouvernementale à Gitega, organisée par le ministère de la Justice et de la Bonne Gouvernance, où est sorti un document très important qui devrait servir de base d'élaboration du cadre légal, le président du Parsem se demande si ce document est en train d'être suivi. Pour marquer vraiment de la volonté politique par rapport à cette lutte, on devait continuer à constater, à se lamenter même au niveau des services gouvernementaux que la corruption paralyse la situation au Burundi. On devait plutôt s'engager dans la lutte. Et c'est en parachevant cette étape supplémentaire d'élaborer ce cadre légal à partir de ce document où on devait marquer cette volonté politique. Quand les dénonciateurs des malversations ne sont pas protégés par la loi, il s'observera encore des lacunes. Parmi les actions efficaces au sujet contre la corruption, c'est la dénonciation des actes de corruption. Mais toujours faut-il que celui qui dénonce soit protégé. Parce qu'on a beaucoup constaté, on a vu plusieurs cas où dans des entreprises, ou dans des structures, quand les gens dénoncent les malversations, la mauvaise gestion, la répression s'abat sur notamment le licenciement ou même l'emprisonnement. Ça veut dire que les dénonciateurs ne sont pas protégés. Faustin Dikoumana interpelle le ministère de la Justice, de la Bonne Gouvernance et le gouvernement pour essayer de faire de ce document un instrument très important de lutte contre la corruption. Gilda Seroberingao, stagiaire à notre station. Et pour terminer ce journal, les enseignants du primaire et du secondaire en province de Cibitoke, récemment redéployés ailleurs, indiquent que ce redéploiement a été mal fait. Certains de ces enseignants soulignent qu'ils ont été mutés loin de leur famille, d'où ils demandent la révision de cette décision. Le directeur provincial de l'enseignement à Cibitoke tranquillise qu'une commission ad hoc va analyser les recours formulés par ces enseignants. Évariste Zikobanyanga. Parmi ces enseignants récemment redéployés ailleurs figurent les épouses des militaires et policiers. Elles indiquent que leur mari travaille ailleurs dans les provinces et que si cette mesure venait d'être mise en application, allait les séparer de leur famille. Cette femme rencontrée au chef-lieu de la province Cibitoke a un mari policier. Elle a été mutée à plus de 10 km de son domicile. On m'a muté à Kaburantwa. C'est à plus de 10 km. Je ne serais pas capable de le faire car j'ai une famille et mon mari n'est pas là. Changer de domicile me paraît difficile. C'est un combat difficile. Nous avons déposé des lettres de demande de recours et on nous a tranquillisé que la commission pourra entendre nos doléances, surtout nous les épouses des militaires et policiers, car nos maris ne sont pas à la maison. Le directeur provincial de l'enseignement en province Cibitoke souligne que ce glissement est dû à la pléthore d'enseignants dans les centres urbains. Et Jidenge Ndambizi se dit comprendre les doléances de ces enseignants mutés ailleurs. Bien sûr, il y a eu des grognes de ces enseignants, puisque si on bouge un enseignant qui travaillait à 1 km de sa résidence vers 5 km, il doit avoir des grognes. Mais ils doivent le comprendre puisqu'on doit considérer des intérêts. Les intérêts de l'État, puisque ce sont des agents de l'État qui doivent travailler. L'État doit rémunérer quelqu'un qui est au service et non pas quelqu'un qui est quelque part en excédent. Là, à son niveau, il doit le comprendre puisque l'État du Burundi n'a pas fait travailler ses agents là où il y a le service. C'est pourquoi on doit les faire comprendre pour qu'ils aient travaillé là où il y a l'emploi. Cette autorité chargée de l'éducation dans cette province du nord-ouest du pays indique cependant qu'une commission ad hoc va bientôt analyser les recours déjà déposés par ces enseignants pour constater s'ils sont fondés ou pas. Pour le moment, nous sommes en train d'enregistrer des cas de recours. Si nous avons une fiche qu'ils doivent remplir, ils doivent justifier pourquoi ils ne peuvent pas aller là où on les a affectés. Bien sûr, en annexant des documents médicaux, si ils en ont, là aussi, ils doivent nous proposer trois nouvelles écoles d'affectation au cas où l'ancienne école ne peut pas avoir besoin d'un nouvel enseignant. Très prochainement, une équipe du ministère viendra ici pour analyser cette doléance. Et vous tranquillisez donc ces enseignants qui ont fait recours? Bien sûr, on doit être tranquillisé, mais on doit analyser si réellement les motifs sont fondés. On doit voir si l'école demandait, si l'élément est éprouvé au besoin. Il est à noter que le redéploiement récemment opéré dans la province de Cibitoke ne concerne que 120 enseignants du primaire et du secondaire confondus. Évariste Nzikobanyanga, c'est sur ce reportage que nous refermons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Eric Ouimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ouimana. Nous vous souhaitons de passer un bon après-midi.